sans bruit dans mon rétro. 6h30, le temps est pourri, je mets la radio. J'entends plus le moteur, j'entends plus que mon cœur de taxi driver. Elle part. J'ai pris le périph, changé de tarif, machinalement. J'ai la tête ailleurs, je suis un peu trop rêveur pour un taxi driver. Elle part. Taxi driver, et je pars.